Vous êtes toujours à l'écoute de Futur Simple et toujours sur les ondes de CKRL 89.1. Alors après l'encéphalopathie, on va rester dans le domaine des maladies du cerveau. Mais toutes les maladies ne sont pas dues à un prion. En fait, un grand nombre de maladies cérébrales sont dues à un mauvais fonctionnement électrique. Alors nous allons voir avec Morgane Lemasson comment les neurophysiciens ont développé une microsonde pour aller non seulement écouter individuellement ces cellules, mais aussi agir sur celles-ci. Bonjour Morgane. Bonjour. Oui, effectivement, la dernière fois, nous avions parlé de la biophotonique, qui est une nouvelle discipline qui vise à utiliser la lumière et les lasers pour voir le cerveau en détail, cellule après cellule. Daniel Côté, qui était alors notre invité, nous apprenait que les outils de biophotonique permettaient d'imager l'évolution de la maladie, mais le problème, c'est qu'il fallait apporter ces outils à l'intérieur du cerveau, aller dans le cerveau. Alors ce soir, je reçois Johan Le Chasseur. Bonsoir Johan. Bonsoir. Alors vous avez justement développé au cours de votre doctorat réalisé sous la direction de Yves de Coninck, de l'Institut en santé mentale de Québec et de Real Valley au COPL, une microsonde que l'on appelle l'Optrod, qui sert à enregistrer le comportement des neurones en live. En fait, vous enregistrez quoi exactement? Oui, ben en fait, on enregistre deux choses. L'Optrod, c'est un espèce de jeu de mots entre électrode et optique. Donc, oui. Ça fait une Optrod. Donc, on enregistre à la fois du signal lumineux et du signal électrique provenant des neurones, parce que les neurones, lorsqu'ils communiquent entre eux, le font par des impulsions électriques. Donc, cette Optrod permet d'enregistrer, de détecter, de récolter, en fait, ces impulsions électriques et de pouvoir D'accord. voir... En fait, moi, je trouvais que ça faisait nématode, donc ça avait l'air de plutôt d'un verre. Mais c'est, je me suis dit que c'était pas mal parce qu'elle permet d'aller dans le cerveau. Comment elle se présente? C'est une fibre optique, c'est ça? Oui, en fait, c'est une fibre optique standard, mais à l'intérieur, on a fait un trou de plus. Normalement, une fibre optique est composée de deux matériaux. En fait, c'est un peu un cylindre, puis à l'intérieur, il y a un cœur qui est fait en verre, mais un verre qui est différent, qui permet de confiner la lumière à l'intérieur du cœur optique. Et à côté, nous, on a ajouté un cœur creux qu'on peut remplir d'un électrolyte. C'est l'électrolyte, ça permet de conduire le courant électrique, et donc ça permet de donner une électrode à côté d'un conducteur de lumière, donc ça fait les deux en parallèle. Donc c'est cette électrolyte et cette électrode qui va permettre d'enregistrer l'activité électrique des neurones. Oui, donc en approchant l'électrode à côté d'une source électrique, on capte le champ qui est électrique qui émane lors d'une impulsion électrique faite par le neurone. Donc ce champ électrique-là va créer un courant électrique à l'intérieur du trou et de l'électrolyte qui va aller vers un système d'acquisition pour enregistrer. Et j'imagine que la pointe de votre électrode est miniature parce que là, un neurone, c'est quoi? Une dizaine de micromètres? Oui, c'est de l'ordre de grandeur. En fait, c'était le défi de cette optrode-là parce qu'il existe différentes autres optrodes, mais cette optrode-là, nous, on l'appelle aussi une micro-optrode car le bout est justement du même ordre de grandeur qu'un corps cellulaire, que le corps d'un neurone, en fait. Donc, le bout est environ de 10 micromètres, parce qu'il faut... l'objectif était d'enregistrer le signal venant d'un neurone et pas de son voisin. Ouais, donc, voilà. Il fallait avoir assez de résolution pour... Donc, il fallait avoir une pointe plus petite qu'un neurone pour être sûr d'enregistrer seulement le neurone en face et non le neurone à côté. Donc ça, c'était vraiment le grand défi, mais vous me dites, vous enregistrez dans le cerveau in vivo, enfin, sans faire de coupe de cerveau et tout ça, un neurone, mais il y a quand même 100 milliards de neurones dans le cerveau. Comment vous arrivez précisément à cibler le bon neurone? Oui, ben en fait, on se laisse une petite chance. On va vers une population, en fait. Car depuis peut-être une dizaine d'années, l'aspect de fluorescence, on peut mettre à l'intérieur de neurones des agents qui vont être fluorescents. Donc, lorsqu'on les éclaire, ils vont capter la lumière et la réémettre avec une autre couleur, qui a moins d'énergie, en fait. D'accord. Donc, cette propriété-là, fluorescente, qui est mise à l'intérieur de neurones, soit par des protéines ou des agents colorants, des colorants spéciaux, mais des colorants tout de même, qui vont pouvoir... les neurones, on peut marquer certaines populations de neurones. Donc, certains neurones vont avoir ces agents-là à l'intérieur et les autres, non. Donc, sur les 100 milliards de neurones, si on marque seulement une population X, donc on peut descendre. Et lorsqu'on arrive en face d'un neurone qui est marqué. On va avoir un signal lumineux qui va être enregistré par l'optrode lorsqu'elle va passer en face de lui. Et lorsqu'on va avoir cette augmentation de lumière, donc cette détection de lumineuse, on sait qu'on est en face d'un neurone qui nous intéresse. Et à partir de là, on peut utiliser l'électrode pour enregistrer qu'est-ce que ce neurone-là dit et utiliser ces informations-là pour faire différentes expériences. Et votre optrode, en fait, est-ce qu'elle sert uniquement à écouter le champ des neurones ou alors est-ce qu'on va pouvoir agir sur la cellule, par exemple en la stimulant? Oui, ben, de base, il y a trois choses qu'on peut faire avec l'optrode. Le concept premier était de retrouver un neurone qui est fluorescent. Et au fil des années, on a eu l'apparition aussi de l'optogénétique, qui est une science qui, en fait, modifie génétiquement des neurones en ajoutant des protéines aux neurones, un peu des protéines un peu comme les prions qui vont on va revenir là-dessus, mais c'est des protéines qui, lorsqu'ils sont éclairés, vont pouvoir agir, vont pouvoir ça fait comme des petites portes à la surface des neurones. Les neurones, lorsqu'ils émettent un signal électrique, vont ouvrir et fermer des canaux, des portes. D'accord. Donc en fait, en plus, c'est fait génétiquement, donc ça permet de cibler uniquement une population de neurones, seulement ceux-là vont être photoactivables. Et on peut aussi bien les exciter que les inhiber, non? Oui, selon la protéine qu'on va fixer, on va génétiquement modifier la cellule pour qu'elle soit des protéines qui vont l'exciter ou des protéines qui vont inhiber son signal. Donc, une population qui va être inhibée lorsqu'on l'éclaire avec l'optrode ou avec une source lumineuse. Donc, en fait, ça pourrait remplacer les médicaments avec l'avantage que ça diminuerait les effets secondaires et les dommages collatéraux. Oui, ultimement, là, en ce moment, c'est des procédés qui sont faits chez les animaux, chez les rats, les souris, mais les gens qui développent ça se rendent maintenant jusqu'aux singes et essaient de pousser le plus proche possible pour amener ça vers l'humain. Mais c'est la particularité, étant donné que c'est des agents génétiques, on peut cibler des populations ou des neurones qui ont des caractéristiques très, très particulières. Et ces populations-là, seulement ces populations-là vont générer ces protéines qui deviennent photosensibles. Donc, on a une population qui est très, très ciblée de neurones photosensibles. Et lorsqu'on élimine un groupe, seulement les neurones ciblés vont réagir. Et, donc ça... D'accord. Et l'optogénétique ça a été, en fait, qualifiée de méthode de l'année en 2011 par la prestigieuse revue Nature Method, parce qu'elle a eu beaucoup, beaucoup d'effets... Enfin, qu'elle a permis de grandes avancées dans le domaine scientifique. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous donner quelques cas? Oui, ben en fait, ce concept de pouvoir faire taire ou parler un neurone à volonté à l'intérieur d'un cerveau vivant, c'est énorme, en fait. Là. Ça ouvre des possibilités qui n'existaient pas avant. Et je pense que c'est un peu pour cette raison-là que plusieurs énormément de scientifiques s'y intéressent. Des revues comme Nature Method ont donné le... Je pense qu'ils ont fait aussi des souris optogénétiques qui avaient la maladie de Parkinson. Et en illuminant certaines cellules, ils arrivaient à diminuer le défaut de mouvement ou d'autres souris qui avaient... des problèmes alimentaires, oui, ça devient vraiment... En fait, comme la maladie de Parkinson, souvent, c'est des jonctions entre deux groupes de neurones qui se parlent habituellement. Il y a un groupe qui arrête de parler à l'autre. Et si on modifie ces cellules-là pour leur permettre de reparler à nouveau avec des protéines photosensibles, on permet justement, en éclairant cette population-là, de permettre de parler aux autres et pour le Parkinson, de diminuer ces symptômes-là chez les animaux. C'est aussi possible de faire ça vers d'autres cellules qui ne sont pas nécessairement des neurones, comme il y a des gens qui ont fait ça chez des cellules cardiaques, c'est des cellules nerveuses qui vont pouvoir, on peut contrôler l'effet électrique des cellules cardiaques, ou même pour des souris qui avaient perdu la vue, ils ont normalement la connexion entre les premiers photorécepteurs et les neurones en arrière, on reçoit les photorécepteurs, envoient l'information aux neurones qui, elles, vont l'envoyer au cerveau, mais la lumière peut passer à travers les photorécepteurs et tomber directement sur le neurone en arrière. Donc, et ce qu'ils ont fait, c'est Ed Boyden au MIT qui a modifié génétiquement les cellules en arrière des photorécepteurs et ils ont pu redonner, non pas la vue, mais une sensibilité à la lumière à des souris qui l'avaient perdu. Oui, j'avais vu ça, ils voyaient des ombres, ils pouvaient se repérer et puis éviter des obstacles. C'est assez phénoménal. Et quand vous travaillez, donc toi, ta thèse a duré longtemps. Oui, peut-être 6 ans, 7 ans. Pour développer cet outil magnifique, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Plus difficile. Ça a été fait par étapes, en fait. Il y a eu une bonne étape pour apprendre à créer, à faire l'optrode. Après ça, j'ai collaboré avec Guillaume Lavertu et Cyril Bory après pour amener réellement dans un vrai cerveau l'optrode puis voir les réactions. Parce qu'une optrode, en fait, en physique, on a notre fibre optique, on a l'impression qu'elle fonctionne, mais après, il faut vraiment la descendre dans un vrai cerveau. Et là, un petit bouleversement. En fait, une des choses qui est plus difficile, c'est de minimiser l'invasion, de minimiser l'effet que notre instrument a sur le corps réel. Oui. Et cette petite invasion-là, des fois, peut changer seulement la manière. Si on s'approche trop d'un neurone et on le fâche, ben, celui-ci, il peut arrêter de parler. Puis on n'est pas capable de l'écouter juste parce que notre optrode est mal faite. Mais est-ce que, parce que c'est des pipettes de verre? Oui, ben... Ça se bouche jamais? Ben oui, ça se bouche, oui. Ce qui a été très difficile, c'est de déboucher le bout, parce qu'en fait, au début, c'est une fibre de verre d'environ 1 mm avec un trou de 100 microns, donc à peu près la grosseur d'un cheveu, le trou. Mais si on le descend jusqu'à 10 microns, le trou, il y a 1 micron. Mais 1 micron, c'est une poussière, c'est une bactérie, c'est rien. Direct, quand on le descend dans le cerveau, il faut garder ce petit trou-là débouché. Mais c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps, des pipettes, depuis une cinquantaine d'années, les gens travaillaient avec ça, donc... On a construit une fibre qui avait des pipettes qui existaient depuis une cinquantaine d'années. On a seulement fusionné là, avec une fibre optique standard. Moi, j'ai une petite question. Là, ça m'intrigue un petit peu concrètement, parce qu'il y en a une boîte crânienne quand même. Donc, comment on fait pour passer comment vous procédez pour passer là? Pour vous, c'est correct. On n'est vraiment pas encore rendu à utiliser ça chez l'humain. Là, mais en fait, chez les animaux, on fait une chirurgie. Ah ouais. Donc, on minimise l'invasion à l'intérieur du cerveau. Mais évidemment, il faut faire un trou sur le crâne ou pour la moelle épinière aussi, chez Yves de Coninck, qui travaille beaucoup sur la douleur chronique. En fait, là, c'est des études sur la moelle épinière. Donc, il faut faire un trou. Il faut s'y rendre. OK. Ben, merci beaucoup, Johan Le Chasseur, pour ces fabuleuses découvertes. Et puis, bonne chance. Vous travaillez dans le développement des fibres optiques dans une compagnie actuellement? Oui, ben, je suis chez Doric Lenses, une compagnie de Québec. Et on poursuit, en fait, une commercialisation de cet optrode-là, en plus d'être dans le monde de l'optogénétique, là, où on fait différentes composantes à fibres optiques qui vont pouvoir permettre d'illuminer là, différentes parties donc du cerveau. Vous êtes dans toutes les découvertes les plus en vogue actuellement, en fait. Ouais, peut-être pas dans toutes, là, mais dans celles qu'on fait, le monde est stimulant, disons. Ben, merci beaucoup, en tout cas. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. C'était vraiment très passionnant. Là, j'aimerais bien voir les images ou écouter les neurones. Le chant des neurones. Le chant des neurones, ouais, c'est ça. C'est beau à entendre, en fait. Ouais, c'est, comme c'est... les sirènes. Oui, ben, peut-être plus beau les sirènes, mais c'est beau quand même. On n'imagine pas des fois qu'un les neurones puissent émettre du son. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Puis ben, maintenant, on va faire une pause musicale sur CKRL au 89.1.